إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Les quelques rappels qu'on va voir inshallah durant ce cours, ceci est tiré de certains passages de Majmou' Fatawa wa Rasail Fadila al-Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Donc c'est le recueil des fatwas et aussi le recueil d'ouvrages, d'écrits, de réponses du grand savant, l'honorable Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, qui est décédé durant le mois de janvier 2001, rahimahullahu ta'ala, en l'an 1421 de l'Hégire. Le premier message s'intitule Nubdhatun fi siyam, un aperçu sur le jeûne. Donc c'est un résumé que le cheikh a fait sur ce sujet. Il dit rahimahullah, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Prière et salutations sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Wa ba'du, fa hadhihi nubadhun fi siyam. Fa hadhihi nubadhun fi siyam wa hukmihi وأقسام الناس فيه والمفطرات وفوائد أخرى على وجه الإيجاز. Voici quelques chapitres, quelques points concernant le jeûne, son jugement, les différentes catégories de gens face au jeûne, ce qui annule le jeûne et d'autres leçons d'un point de vue résumé. Il ramène ça, c'est en résumé. أولا الصيام. Premièrement le jeûne. هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Qu'est-ce que le jeûne? Ici, le cheikh en donne la définition religieuse. La définition religieuse qui consiste à adorer Allah تبارك وتعالى. C'est un acte d'adoration. Par le délaissement de choses qui à la base sont permis, mais qui pour le jeûne sont considérées comme des mufattirat, c'est-à-dire des annulatifs. On ne parle que de choses qui sont permises à la base et qui deviennent proscrites, interdites pendant un laps de temps, pendant le temps de cette adoration qui est le jeûne. Donc n'entrons pas dedans les choses interdites. L'alcool, la cigarette, les drogues, d'avoir des relations interdites, quelconques, tout ce qui est interdit, n'entre pas dans cette définition. Car ce qui est interdit complètement, il l'est tous les jours. Que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, c'est la même chose. Tu n'as pas le droit de fumer, que ce soit la journée ou la nuit. De consommer de la drogue, que ce soit de la journée ou la nuit. De consommer de la bière, du vin, de l'alcool, que ce soit la journée ou la nuit. Tout ceci, tout ce qui est interdit complètement. Donc le sujet ne vient pas. Bien que si une personne, durant la journée de jeûne, s'est abstenue de prendre quoi que ce soit, et qui, au soir, s'adonne à des choses interdites, ce qu'il fait est interdit, mais son jeûne, il est valide. D'accord ? Mais c'est un rappel important pour ne pas minimiser la gravité de ces choses. Voir des gens acheter de la bière, acheter du vin, dire c'est pour ce soir pour rompre le jeûne. Acheter des cigarettes ou des drogues quelconques. Et combien de choses deviennent minimes au regard des gens parce qu'ils y prennent l'habitude. Et tellement qu'ils le voient et ils voient les gens s'en adonner, ça devient quelque chose de banal, wal'iyadhu billah. C'est une gravité. Lorsque vous voyez des gens qui ont l'habitude de vivre dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, ils vous disent, il a été perturbé lorsque une femme a avancé devant lui, elle avait le bas des jambes qui se voyait, qui était découvert. Et aujourd'hui, des gens vont dire, mais c'est rien ça. Nous, ce qu'on voit est bien pire. Subhanallah. Dans des régions où les gens vivent dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, une femme qui sort les cheveux en l'air, ils connaissent pas. Et aujourd'hui ici, c'est quelque chose de banal. On se pose tellement que les péchés, on a l'habitude qu'on minimise. On ne voit même plus la gravité. Et c'est pour cela, ne vous faites pas tromper par cette balance qui est faussée de jugement. C'est pas nous de notre propre concept, notre propre intelligence ou notre propre raisonnement qu'on décide de dire ce qui est grave de ce qui n'est pas grave. Comme Allah nous dit dans le Coran, تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous le voyez auprès de vous comme minime alors qu'il est grandiose et énorme auprès d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. À titre d'exemple, le shirk. Beaucoup de gens, on leur dit un tel, il a fait tel acte de shirk. S'il a compris, plus ou moins, il va dire non, c'est pas bien, c'est grave. Il a fait la fornication. Ah, là, c'est plus la même réaction. Tout ça, ce sont des péchés. Mais c'est lequel le pire ? C'est le shirk. Le shirk est bien pire. Bien que l'autre ait aussi un grand péché, gravissime. Et c'est pour cela que ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui vit dans un bon cadre, dans de bonnes conditions, qui a appris les bases de sa religion, lorsqu'il juge convenablement les choses, des gens n'arrivent pas à comprendre. Ou peuvent considérer que il ne vit pas dans la bonne époque, si on peut dire. Alors que non. C'est le fait de vivre dans des milieux où il y a beaucoup de péchés, il y a du polythéisme, des innovations, à la fin, les gens, ils voient ça minime, ils ne voient pas la gravité. Ceci est un rappel, et le rappel est bénéfique pour les croyants. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est adorer Allah Azza wa Jal. Ne pas l'oublier que c'est une adoration. Des fois, les gens, quand ils parlent, ils disent, c'est quoi jeûner ? C'est pas manger, pas boire, de telle heure à telle heure. Ils oublient de préciser que c'est un acte d'adoration. On ne s'abstient pas de manger, de boire comme ça. Non, on le fait par accomplissement d'un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, pas le délaissement de choses qui viennent à entacher ou à annuler le jeûne. Depuis le lever de l'aube, le début de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Thaniyan, siyam Ramadan, ahadu arkan al-islam al-azima, li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bunya al-islam ala khams, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqam as-salah wa ita' az-zakah wa sawm Ramadan wa hajj al-bayt al-haram. Wal hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Deuxièmement, le jeûne de Ramadan, c'est l'un des cinq piliers, des grands piliers de l'islam. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur cinq piliers. L'attestation que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage vers la maison sacrée. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. An-nasu fi siyam, les différentes catégories de gens durant le jeûne. Awwalan, les gens par rapport au jeûne. Awwalan, as-sawm wajibun ala kulli muslim, balighin, aqilin, qadirin, muqim, salim min al-mawani'. Premièrement, le jeûne est un devoir, une obligation pour tout musulman pubère qui a atteint l'âge de la puberté. S'il n'y a pas les signes de la puberté, l'âge qui est pris en considération par la majorité des savants de la sunna, c'est 15 ans. Lorsqu'il n'y a aucun signe apparent chez l'enfant, à partir de 15 ans, il est considéré comme mukallaf. Donc il est responsable et il se doit de s'acquitter des devoirs religieux. C'est la majorité reconnue religieusement. Et s'il a les signes avant cet âge-là, eh bien c'est les signes qui seront pris en considération. Donc les signes, c'est que l'enfant commence à éjaculer. Dès qu'il éjacule, donc il est en âge de puberté. Deuxièmement, qu'il ait les poils qui poussent sur le pubis, au-dessus du sexe. Mais ce sont des poils épais, hein, pas le duvet, pas quelques poils qui sont pratiquement non-voyants, ce n'est pas pris en considération. Ce sont les poils qui sont épais. D'accord ? Dès qu'il y a cette apparition-là, il est considéré comme avoir atteint l'âge de la puberté. Pour les filles, il y a aussi en plus de cela les menstrues. En plus de cela, il y a aussi les menstrues. J'en ai oublié ? Non, c'est bien. Le visage, tout ce qui pousse sur le visage n'est pas un signe de puberté. Ce n'est pas pris comme signe de puberté. Donc si le garçon, il commence à avoir un peu les poils de la barbe ou de la moustache qui poussent, ce n'est pas un signe de la puberté. Ce n'est pas pris, hein, ce n'est pas cité dans les signes de la puberté. Donc voilà les signes. Si les signes ne sont pas là, alors ça, ce qui est pris en considération, c'est l'âge de 15 ans. Donc, tout musulman, baligh, qui atteint l'âge de la puberté, doté de raison. Le fou, celui qui n'a pas sa raison, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le discernement. Il ne discerne pas entre le bien et le mal. Il ne distingue pas entre le bien et le mal. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas responsable de ses actes. Il est sous la responsabilité de sa famille, de son tuteur. Donc lui, il n'est pas concerné par les règles religieuses. Donc il faut qu'il soit doté de raison. Qu'il en a la capacité. D'accord ? Qu'il en a la capacité, il a la capacité de pouvoir jeûner. Qu'il soit citadin, c'est-à-dire qu'il n'est pas en état de voyage. Il est chez lui, il n'est pas voyageur. Et qu'il soit dépourvu de tout ce qui viendrait l'empêcher de jeûner. Thaniyan, al-kafir la yasum wa la yajib alayhi qadar as-sawm idha aslam. Le mécréant n'est pas concerné par le jeûne. Et s'il vient à entrer en islam, il n'aura pas à rattraper le jour ou les jours qu'il n'a pas jeûné, car il n'était pas musulman. C'est pris en considération dès qu'il devient musulman. C'est à partir de ce moment-là que ça lui devient obligatoire. الثالث الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده. Le petit, l'enfant, qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner. Mais il est bien de lui recommander, de lui ordonner le jeûne pour qu'il en prenne l'habitude. À partir de l'âge où on lui demande de faire la prière, on peut tout doucement commencer à l'habituer à jeûner. Jusqu'à que, comme ça, lorsque l'âge de la puberté arrive, il a déjà l'habitude de jeûner. رابعا المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيرا ومثله المعتوه الذي لا تمييز له والكبير المهذري الذي لا تمييز له. Quatrièmement, le fou, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui, ni de nourrir en expiation pour lui, ce n'est pas demandé, même s'il a atteint un certain âge. Et aussi, la personne qui est très avancée en âge, mais qui a atteint une situation où il ne distingue plus, il n'a plus le discernement. Ça arrive à certains vieux, lorsqu'ils ont atteint un certain âge, ils arrivent dans une situation où ils ne discernent plus entre le bien et le mal. Donc ceux-là, à ce stade-là, ceci ne les concerne pas. Khamisan العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. Celui qui est dans l'incapacité de jeûner à cause de sa faiblesse vu son âge avancé. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a plus le discernement. C'est une personne qui a le discernement. Il a toute sa raison. Seulement son état physique ne lui permet pas de jeûner à cause de son âge avancé. Ou le malade atteint par une maladie incurable dont on n'espère pas qu'il guérisse. On sait par expérience médicalement que de cette maladie on ne guérit pas. Donc c'est une maladie qui est considérée comme incurable. Ces personnes-là, ces catégories de gens devront, puisqu'ils ne jeûnent pas, nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Alors, nourrir un pauvre, ici c'est ce qu'on appelle el-fidya. Elle se fait qu'en nourriture, il n'y a pas d'argent. Ne perdez pas votre temps avec des questions, c'est combien en argent, il n'y a pas. Est-ce que c'est toujours 5 euros? Il y en a qui disent 7 euros, il n'y a pas, ni 5 euros, ni 7 euros, rien du tout. C'est en nourriture. Dans les textes religieux, il n'est jamais question sur ces sujets d'argent. Il n'est question que de nourriture. Et pour payer le fidya, elle se fait en nourriture de deux manières. Soit en denrées alimentaires crues, comme ce qu'on donne pour Zakat el-Fitr. La nourriture qu'on distribue pour Zakat el-Fitr, la même nourriture, le riz, les pâtes, le couscous, etc. Seulement, tu ne donnes que la moitié de la quantité de Zakat el-Fitr. Si, par exemple, pour le riz, on dit que, si je ne me trompe pas, c'est 2 kilos. Si on dit que c'est 2 kilos le riz, et bien pour la fidya, ce sera 1 kilo. Ou alors, on nourrit le pauvre avec un plat, un repas qui est prêt à être consommé. Soit un repas du midi, soit un repas du soir, un menu ou un iftar, l'heure de la rupture du jeûne. Vous lui faites rompre son jeûne, le repas de la rupture du jeûne. Le mohim, l'essentiel, un repas, un menu par pauvre. Et si quelqu'un fait un plat dont plusieurs peuvent manger en même temps, il sait des pauvres, il va compter le nombre de pauvres. Chaque pauvre compte pour une journée non jeûnée. سادسا المريض مرضا طارئا ينتظر برأه يفطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برئه. Sixièmement, le malade qui est atteint d'une maladie passagère, temporaire. Il est malade, mais alhamdulillah, c'est une maladie dont on guérit. Donc celui-là, et cette maladie lui a rendu difficile le jeûne. Donc il n'a pas jeûné à cause de cela. Il devra attendre, lorsqu'il sera guéri, pour rattraper les jours non jeûnés. Il devra rejeûner les jours qu'il n'a pas jeûné. Sabi'an, al-hamil wal-murdi'a. إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف. Septièmement, la femme enceinte et la femme qui allait, si le jeûne est difficile pour elle, s'il est difficile pour elle, si elle rencontre une gêne pour le jeûne à cause de la grossesse ou à cause de l'allaitement, ou elle craigne pour leur petit, pour leur bébé, alors elles ne jeûneront pas. Dans cette situation-là, elles ne jeûneront pas. Et elles devront rattraper les jours non jeûnés lorsque cela leur sera facile et que la peur s'en est allée. Il y a un khilaf entre les ulama sur cette question-là. Je vous traduis la réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Thaminan al-ha'id wal-nufasa la tasuman hal al-ha'id والنفاس وتقضيان ما فاتهما. Huitièmement, la femme qui est en état de menstrue, qui a ses règles, ou en état de lochi, c'est le sang qui coule après l'accouchement, elle ne jeûne pas dans cet état, dans l'état de menstrue ou l'état de lochi, mais plus tard elles devront rattraper les jours qu'elles ont loupé. Tasi'an, al-muttar lil-fitri li-inqadhi ma'soumin min gharaqin aw hariqin yuftir li-unqidhahu wa yaqdi. Neuvièmement, celui qui se retrouvait dans un cas de nécessité et a dû rompre son jeûne pour aller sauver quelqu'un qui se noyait. Il a eu besoin de prendre un peu de force, de boire, pour aller sauver quelqu'un d'un incendie, des situations catastrophiques. D'accord ? On ne va pas laisser la personne périr dans des cas comme celui-là, où quelqu'un qui est en train de se noyer, la personne, elle peut rompre son jeûne cette journée et elle devra rattraper plus tard. Ashiran. المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطره سواء كان سفره طارئا كسفر العمرة أم دائما كأصحاب السيارات الأجرة التاكسي. Mon cher, il dit, ouais, le Mercedes, ça c'est parce que c'est leur véhicule qui sert de taxi, et celui-là peut-être c'est celui qui va dans des longs trajets. فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم. Le voyageur, il a le choix, c'est lui qui décide. Soit de jeûner ou de ne pas jeûner. Et s'il ne jeûne pas, il devra rattraper les jours non jeûnés. Quel que soit son voyage, un voyage court, précis, comme par exemple voyager pour la Umra, ou un voyage qui perdure, comme les taxis qui font des longs trajets. Hein, dans nos pays, on a dans les pays arabes, et on a des taxis hein, qui font des longs trajets, des centaines de kilomètres. Et la personne, tous les jours, il fait la même chose. C'est son travail. Donc lui, il est tout le temps voyageur, cette personne-là. Et bien, même si c'est son travail, mais il est quand même voyageur. Donc, pendant la période du jeûne, il a le droit de ne pas jeûner. Et s'il ne jeûne pas, il devra rattraper les jours de jeûne. Donc, soit il ne jeûne pas, ou soit il jeûne comme bon leur semble. Muftirat as-sa'im, ce qui vient annuler le jeûne. Awalan, la yuftir sa'im, idha tanawala shay'an min al-mufattirat nasiyan, ou jahilan, ou mukrahan. Le jeûneur, celui qui est en état de jeûne, et il s'est adonné à des choses qui annulent le jeûne, de la nourriture, de la boisson, ou autre chose qui annule le jeûne. Mais il l'a fait par oubli, ou par ignorance, ou il a été contraint de le faire. On l'a obligé, sa vie elle était en jeu, on ne lui a pas laissé le choix, et on lui a dit tu dois manger, tu dois boire, donc il l'a fait malgré lui. Il en a été contraint. Ces personnes qui sont dans ces situations-là, par oubli, par ignorance, par contrainte, alors ces personnes-là, ils n'ont aucun grief ne leur est fait, ils n'ont rien, ils n'auront pas à rattraper. Les qawlillahi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Wa qawlihi, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa qawlihi wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Et le cheikh a cité des versets coraniques dans lesquels il est bien question des personnes qui commettent une chose par erreur et ils invoquent Allah de ne pas les reprendre là-dessus s'ils ont commis une chose par oubli ou par erreur. فَإِذَا نَسِيَ الصَّائِمُ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَهُ. Donc, si le jeûneur, par oubli, a mangé, a bu, son jeûne n'est pas entaché. Sa journée de jeûne, elle n'est pas entachée et elle n'est pas perdue. لِأَنَّهُ نَاسِ, car il est dans l'oubli. وَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ أَوْ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ لَمْ يُفْسِدْ صَوْمَهُ. Et si il a mangé, il a bu, en pensant que le soleil s'est couché, en pensant que c'est l'heure déjà de al-maghrib, ou alors il a mangé, il a bu, en pensant que l'heure de al-fajr n'est toujours pas entrée, alors son jeûne n'est pas entaché aussi. لأنه جاهل, car il l'a fait par ignorance. Il pensait que c'était l'horaire convenable, mais c'était il ignorait que c'était le contraire. ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم يفسد صومه. Et si il s'est rincé la bouche avec de l'eau et involontairement de l'eau est entrée à l'intérieur, alors son jeûne n'est pas aussi entaché, car il l'a fait involontairement. لأنه غير متعمد ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار. Et si il lui est arrivé d'éjaculer durant son sommeil après un rêve érotique, son jeûne il est bon, car ce n'est pas de sa volonté, c'est hors de sa volonté. Thaniyan, le cheikh nous dit, al-mufattirat thamaniya, ce qui annule le jeûne sont au nombre de 8, les choses qui annulent le jeûne. Al-jima, les relations avec son épouse, d'avoir des rapports avec son épouse. وَإِذَا وَقَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانِ مِنْ صَائِمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمِ فَعَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ كَفَّارَةٌ مُغَلَّظَةٌ. Si la relation intime avec son épouse, il l'a eu en pleine journée de Ramadan, alors que pour lui le jeûne était obligatoire, il doit être en état de jeûne, alors il se devra de rattraper cette journée. Et en plus de cela, il se doit de faire une grande expiation. Une grande expiation. Kaffaratun mughalladha. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. Et cette expiation majeure, grande expiation, elle consiste par ordre. C'est pas, on n'a pas le choix. C'est un ordre à respecter. Premièrement, quelqu'un qui a un esclave, de l'affranchir. S'il n'a pas, il ne trouve pas, il se doit de jeûner 2 mois consécutifs. Ce n'est pas seulement de jeûner 2 mois comme lui veut, non, 2 mois consécutifs. C'est-à-dire toutes les journées, elles se suivent. Il n'a pas le droit de les séparer, sauf s'il a une raison valable. En plein... dans ces 2 mois, il tombe malade, il ne peut pas jeûner, il est excusé pendant cette période-là. Le mois de Ramadan rentre, il fera son mois de Ramadan et il reprend juste derrière. Sinon, s'il n'a pas une excuse valable, il n'a pas le droit de couper ses 2 mois consécutifs. Si jamais il les coupe, il devra recommencer à zéro. Même s'il a fait 1 mois et demi, il recommence à zéro. C'est 2 mois consécutifs qui se suivent. Et s'il ne le peut, il ne peut pas faire jeûner, il est dans l'incapacité de jeûner les 2 mois consécutifs, à ce moment-là, il lui est demandé de nourrir 60 pauvres. De nourrir 60 pauvres. Comment il les nourrit? Comme on a vu précédemment. Comme on a vu précédemment. إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك. Le fait d'éjaculer aussi annule la journée. Que la personne l'ait fait volontairement de lui-même ou alors par des attouchements qu'il a eu avec son épouse, embrassage et autres. Et puis il en est arrivé à éjaculer, ceci annule la journée. الأكل أو الشرب سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان. De boire ou de manger, donc volontairement en pleine journée de Ramadan, ceci vient à annuler cette journée. Que ce que tu prends est de la bonne nourriture, pure nourriture, ou quelque chose de nuisible et de mauvais comme la cigarette ou autre chose. حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام لأنها بمعنى الأكل والشرب فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في العضلات أم في الوريد وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده. Les piqûres, les transfusions, elles sont de différentes sortes. Celles qui sont nutritives, qui viennent donc remplacer la nourriture. La personne qui ne peut pas manger, boire, on lui met une transfusion et avec une poche, et là c'est un liquide, mais qui est nutritif. Donc ça vient nourrir son corps. Ça vient à annuler le jour de jeûne. Ça annule. Si c'est d'autres piqûres, d'autres transfusions qui ne sont pas nutritives, même si il y retrouve un arrière-goût, ça n'annule pas la journée de jeûne. حقن الدم مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دم تعويضا عما نزف منه. Donc, des transfusions sanguines. Quelqu'un qui est dans dans une insuffisance de sang, il a besoin qu'on lui mette du sang parce qu'il a fait une hémorragie, il a eu beaucoup de pertes de sang, donc il a fallu lui transfuser, transfuser du sang. Ceci vient à annuler le jour du jeûne. Khuruj dam al-hayd wa an-nifas. Ça c'est pour les femmes, le sang des menstrues et le sang des louchis. Ça aussi, ça annule le jeûne. Ikhraj ad-dam bil hijama wa nahwaha. Donc de se faire la hijama. La hijama qui est, comment ils traduisent en français ? La saignée. La saignée. Hein, de faire sortir le sang mauvais du corps, ceci vient à annuler le jour du jeûne. Que ce soit de cette manière ou autre. فَأَمَّا خُرُوجُ الدَّمِ بِنَفْسِهِ كَالرُّعَافِ أَوْ خُرُوجِهِ بِقَلْعِ سِنِّنْ وَنَحْوِهِ فَلَا يُفْتِرْ. Mais si le sang il est sorti pour une autre raison, comme quelqu'un qui a coulé de sang du nez, d'accord, du sang qui coule de son nez, ceci n'annule pas le jeûne. Ou alors, on lui a arraché une dent, et donc il a saigné. Ce sang-là n'annule pas le jeûne. لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. Car ce n'est pas une hijama, une saignée, et ça ne ressemble pas là à la saignée. القي إن تقصده فإلقاء من غير قصد لم يفتر. De se faire vomir volontairement. De se faire vomir, hein, d'entrer ses doigts dans la bouche pour se faire vomir, ceci annule le jeûne. Mais si tu vomis involontairement, tu ne l'as pas cherché, mais tu en es arrivé à vomir involontairement, ceci n'annule pas le jeûne. فوائد. Quelques leçons. يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنوب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. Il est permis au jeûneur de faire l'intention depuis son fort intérieur pour jeûner, ceci avant le fajr, alors qu'il est en état d'impureté majeure, en état de janaba, même si le rasoul il va le faire après l'heure du fajr. Ce n'est pas un problème. La niya, elle est prise en considération. يجب على المرأة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. Il est une obligation pour la femme qui devient pure. Elle retrouve son état de pureté pendant le mois de Ramadan, pure des menstrues ou des lochis avant le fajr. Ça y est, le sang des lochis, le sang des menstrues s'est arrêté. Elle est devenue pure avant le fajr. C'est un devoir pour elle de faire l'intention de jeûner la journée, même si le lavage du corps le ressent, elle le fera après l'entrée de l'heure du fajr. يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه ومداواة جرحه والتقطير في عينه أو أذنيه ولا يفطر بذلك ولو أحس بطعم القطور في حلقه. Il est permis au jeûneur d'arracher sa dent, de se faire arracher une dent, ou de soigner ses blessures, ou de mettre des gouttes dans les yeux ou dans les oreilles pour se soigner. Ceci n'entache pas le jeûne. Ceci ne nuit pas à sa journée de jeûne, même si il trouve au fond un arrière-goût de cela. يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره وهو سنة في حقه كالمفطرين. Il est permis au jeûneur de se brosser les dents avec le siwak, que ce soit en début de journée ou en fin de journée. Et ceci est une recommandation pour lui, comme pour les gens qui ne jeûnent pas. يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والمكيف. Il est permis aux jeûneurs de faire des choses qui vont atténuer la difficulté du jeûne, comme les grandes chaleurs. Il a le droit d'aller se laver le corps, de laver sa tête, de se mouiller le visage. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ou d'être près d'un ventilateur. Ça, c'est une réponse à certains qui comprennent mal les règles religieuses. Qu'ils pensent que plus c'est dur, plus c'est difficile, et plus c'est meilleur. Si tu n'as pas le choix, soit, mais si tu peux te faciliter, c'est la facilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu à choisir entre deux choses sans qu'il ne prenne la chose la plus simple et la plus facile. Et certains pensent que non, il faut la difficulté. Par exemple, de prier sur un tapis ou sur le sable chaud et brûlant. Il va poser son front, quitte même à brûler sa tête, en pensant qu'il est dans un grand combat. Ça, c'est une erreur. Il a le moyen de prendre l'avion pour partir à la Mecque, mais il pense qu'en réalité, le mieux, c'est d'y aller à pied. Il y en a qui pensent comme ça. Ils pensent, et s'ils entendent que quelqu'un l'a fait à pied, vous direz, ah, lui, vraiment les récompenses. Ça, jamais les veut la main. Mais si quelqu'un n'avait rien, il avait la force physique, et l'envie d'aller à la Mecque, elle l'a poussé à aller à pied, mais il n'avait pas d'autre moyen, soit. Mais quelqu'un qui a le choix, c'est important de bien comprendre les règles de la religion. يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستا وأن يتمضمض إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء. Il est permis au jeûneur de mouiller avec de l'eau ses lèvres lorsqu'elles sont asséchées et de rincer sa bouche si il voit qu'elle est sèche. Sans, en faisant attention à ne rien avaler. يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر وتعجيل الفطور بعد غروب الشمس. Il est recommandé aux jeûneurs de retarder le suhoor, le repas de fin de nuit, de le faire juste un peu avant le fajr, et de s'empresser de rompre le jeûne dès qu'il y a le coucher du soleil. ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد. Il est recommandé aussi pour le jeûneur de rompre son jeûne. La première chose qu'il va consommer, ce sont des dattes fraîches. S'il n'en trouve pas, alors des dattes sèches. S'il n'en trouve pas, alors il boira de l'eau. Et s'il ne trouve pas, alors n'importe quelle nourriture permise et autorisée. Et s'il ne trouve rien, il n'a rien à avaler, ni à boire, ni à manger. Il fait l'intention. Il fait l'intention que son jeûne, il l'a terminé, qu'il n'est plus en état de jeûne dans son fort intérieur, parce que ça y est, l'horaire du jeûne est terminé jusqu'à qu'il trouve quelque chose à manger, à consommer. يسن للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات. Il est recommandé au jeûneur de faire beaucoup d'actes d'adoration, d'actes d'obéissance et de s'éloigner de tout ce qui est interdit. يجب على الصائم المحافظة على الطاعات والبعد عن المحرمات فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويؤديها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Il est un devoir, une obligation pour le jeûneur de préserver les actes d'adoration qui lui incombent et de s'éloigner de tout ce qui est interdit. Il accomplit ces 5 prières obligatoires dans leur temps. Et si pour lui la prière en commun est obligatoire, il se doit de la faire en groupe avec les musulmans. Des fois, les gens sont attirés par des actions qui sont bien, louables, mais moins importantes que d'autres adorations pour lesquelles on va voir qu'ils sont négligents dedans. Par exemple, il y en a, ils font tout pour ne pas rater Salat Tarawih. Salat Tarawih, c'est sunna, c'est recommandé. Mais il peut louper Salat Dhuhr parce qu'il a veillé toute la nuit et donc il a dormi après le Fajr ou bien après le Fajr, et donc à l'heure de Dhuhr, c'est pas un souci pour lui, alors que la prière de Dhuhr est obligatoire, c'est une obligation, elle est bien plus obligée que la prière de Tarawih. Il se doit de s'éloigner, de s'écarter, de délaisser le mensonge, la médisance, la tromperie, la tricherie, toutes transactions interdites comme le riba, les intérêts ou autres, toute parole ou acte qui sont interdits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne délaisse pas les paroles de turpitude, les mauvaises paroles, les grossièretés, les choses interdites et les agissements qui sont interdits, alors Allah n'est nullement dans le besoin du jeûne de cette personne, nullement dans le besoin que cette personne ait délaissé sa nourriture et sa boisson. Puis le cheikh termine cette épître en disant: walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toute la louange revient à Allah, Seigneur des mondes. Prière d'Allah et ses salutations sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد آل صالح آل عثيمين في 16 من شعبان سنة 1401. Écrit par celui qui est pauvre et complètement dans le besoin de son Seigneur Allah, تبارك وتعالى محمد آل صالح آل عثيمين, le 16 شعبان 1401, c'est-à-dire il y a 39 ans de cela. Rahimahullah ta'ala. Bon, on va voir d'autres points, inshallah. At-Tarawih. Donc, dans un autre passage, un autre épître, le cheikh nous parle de At-Tarawih. Ce sont les prières de la nuit durant le mois de Ramadan. C'est Salat al-Qiyam. Ce sont les prières de la nuit. Ça fait partie des prières de la nuit. Qu'on appelle ça Al-Tahajjud, qu'on appelle ça Al-Qiyam al-Layl. Mais pour Ramadan, on lui donne aussi le nom de At-Tarawih. Mais sinon, c'est la même prière. C'est les prières de la nuit. At-Tarawih, Qiyam al-Layl, Jama'atan fi Ramadan. C'est de prier les prières de la nuit en commun, en groupe, durant le mois de Ramadan. Wa waqtuha min ba'di salat al-Isha ila tulu'i al-Fajr. Son heure commence, débute après la prière de l'Isha jusqu'à l'entrée de l'heure de al-Fajr. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان. Le prophète صلى الله عليه وسلم a recommandé et a conseillé de prier les prières de la nuit de Ramadan. حيث قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. De sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit les prières de nuit de Ramadan avec foi et espoir en la récompense, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Et dans le Sahih de Bukhari, d'après Aïcha, radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé une nuit dans la mosquée pour faire la prière de la nuit. Et certains compagnons se sont levés et ont prié derrière lui. Puis, la seconde nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose. Et là, il y avait encore plus de monde qui ont prié derrière lui. Puis, ils se sont réunis une troisième nuit. Et là, le rapporteur, il dit, soit la troisième ou la quatrième. Si c'est la quatrième, alors la troisième, ils ont prié aussi derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam en nombre. Mais là, le prophète n'est pas venu. Il l'attendait. Et lorsqu'on est arrivé au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, j'ai bien vu ce que vous avez fait. J'ai remarqué que vous êtes réunis et vous attendiez ma venue. Mais ce qui m'a empêché de venir à vous pour vous présider la prière, c'est que j'ai craint qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vous la rende obligatoire. Le fait de tout le temps la faire avec vous, j'ai craint que Allah en fasse une prière obligatoire. Donc, par pitié pour sa communauté, alayhi salatu wassalam, il n'est pas sorti. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, et ceci était pendant le mois de Ramadan. Et donc on voit bien que cette sunna de Tarawih, de prier en groupe, le premier qui l'a fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a accompli pendant quelques nuits avec ses compagnons radhiyallahu ta'ala anhum. Et durant le califat de Omar radhiyallahu anhu, il a jugé que la raison qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas continué, c'est qu'elle ne devienne obligatoire. Mais avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lois ne le changeront plus. Ce qui n'était pas obligatoire ne sera pas obligatoire. Il n'y a plus de révélation. La révélation, elle s'est arrêtée avec le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'y a aucun mal à réunir les gens à nouveau pour qu'ils puissent accomplir la prière de Tarawih en commun. والسنه ان يقتصر على 11 ركعه. La sunna, ce qui est recommandé, c'est de se contenter de 11 rak'a, 11 unités de prière. Yusallim min kulli rak'atayn. Il fait le salam, il termine sa prière toutes les deux rak'a. لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. Car عائشة رضي الله عنها fut questionnée. Comment elle était la prière du prophète عليه الصلاة والسلام durant رمضان. فقالت, elle répondit, ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. Il ne rajoutait pas, que ce soit pendant Ramadan ou autre que Ramadan, il ne rajoutait pas plus que 11 rak'a. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa fi al-Muwatta 'an Muhammad ibn Yusuf wa huwa thiqatun thabt 'an al-Sa'ib ibn Yazid wa huwa sahabi radiyallahu anhu anna 'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu أمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميم الأداري رضي الله عنه أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. Et on retrouve dans le recueil de Muwatta, qui est le recueil de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. D'après Muhammad ibn Yusuf, qui est un narrateur digne de confiance véridique. D'après As-Sa'ib ibn Yazid, qui est un compagnon, radiallahu anhu, qui rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, c'est-à-dire durant son califat, a ordonné aux deux compagnons Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari radiyallahu anhuma de présider la prière de Tarawih en faisant 11 rak'a. Wa in zada ala 11 rak'a fala haraj. Mais s'il fait plus que 11 rak'a, il n'y a pas de mal là-dessus. Li'anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam su'ila 'an qiyam al-layl fa qala mathna mathna. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur les prières de la nuit. Il dit, elles se font deux rak'a, deux rak'a. Deux rak'a, deux rak'a. Sans donner un nombre bien précis au final. Et si l'un d'entre vous craint l'entrée de l'fajr, l'entrée de Subh, alors qu'il fasse une raka'a, pour qu'au final, il fasse de ses prières de la nuit un nombre impair. C'est pour ça qu'on appelle ça al-witr. Al-witr veut dire impair. Akhrajahu fi sahihayn, rapporté par al-Bukhari muslim. Lakin, al-muhafaza ala al-adad alladhi ja'at bihi sunnah ma'a al-ta'anni wa al-tatwil alladhi la yashiqu على الناس افضل واكمل. Mais de prendre l'habitude de prier le nombre d'unités de prière de rak'a rapporté dans la sunna est bien meilleur, mais que ce soit fait avec quiétude, apaisement, on allonge les rak'a, on récite longuement sans que cela ait une quelconque nuisance sur les gens qui prient derrière, tant que cela ne nuit pas aux gens qui prient derrière. Ceci est bien plus parfait et bien meilleur. وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْإِسْرَاعِ الْمُفْرِطِ فَإِنَّهُ خِلَافِ الْمَشْرُوعِ. Mais ce qu'on voit faire certaines personnes qui prient d'une rapidité, avec une rapidité qui est extravagante, ceci est à l'opposé et le contraire de ce qui est légiféré. Ah, des fois, on voit des prières, la personne n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, subhanallah. Ni réciter le Fatiha, ni faire le dhikr, tellement que c'est rapide. Et dans certains pays, surtout dans les pays Hanafi, en Turquie, au Pakistan ou autres, je ne sais pas s'ils font la course. C'est qui fera la prière la plus rapide du monde? Allahu a'lam. Le Fatiha avec un seul souffle, un verset, le recours, les gens derrière, c'est impossible qu'ils aient récité le Fatiha. Le recours, tu n'as même pas le temps de dire Subha, même pas le temps. En deux secondes, la prière, elle est terminée. Et ça a l'air d'amuser certains, subhanallah. A'udhu billah, jamais cette prière n'est accomplie par ni par le prophète ni par ses compagnons. Il ne faut pas que quelqu'un soit lourd, fait fuir les gens, mais de l'autre côté, il ne faut pas faire n'importe quoi. Un minimum. فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطل الصلاة. Si cette façon de prier vient à faire perdre des actes qui sont obligatoires, que dire des actes qui sont piliers dans la salat, alors la salat elle est caduque. Elle n'est pas acceptée. C'est comme la personne qui n'a pas prié. Subhanallah. وكثير من الأئمة لا يتأنى في صلاة التراويح وهذا خطأ منهم. Beaucoup d'imams ne prennent pas leur temps, ne font pas des prières apaisées, et ceci est une erreur de leur part. فإن الإمام لا يصلي لنفسه فقط. Car l'imam ne prie pas pour sa propre personne seulement. وإنما يصلي لنفسه ولغيره. Mais il prie pour lui ainsi que pour les gens qui sont derrière lui. فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح. Il est comme le responsable, comme le tuteur. Il doit faire pour les gens ce qui est meilleur pour eux. وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن. فكيف بمن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب. Et les gens de science, les savants, ont précisé qu'il est détestable pour l'imam de prier d'une manière rapide qui empêche les gens derrière lui d'accomplir des actions, des choses qui sont recommandées. Que dire ? Le cheikh il dit donc, il dit, que dire alors si sa précipitation les empêche de faire des choses qui sont obligatoires. وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذه التراويح وأن لا يضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد. Il incombe aux gens d'être assidus à l'accomplissement des prières de Taraweeh et de ne pas les négliger et de ne pas les perdre, ces prières, par les déplacements que font certains d'une mosquée à une autre mosquée. En faisant cela, ils perdent des prières, subhanallah. À la base, les gens sont censés prier, chacun y prie dans la mosquée de son secteur, chacun prie dans la mosquée de son quartier. Cette mosquée, elle est pour les gens qui habitent aux alentours en premier lieu, subhanallah. En temps normal, c'est comme ça qu'on doit agir. Subhanallah. Que dire des gens qui font des kilomètres et je ne sais pas combien et ils perdent même des prières. Sauf si vraiment la situation, hein, elle fait qu'il est préférable pour la personne de se déplacer vers une autre mosquée. Mais en temps normal, chacun se doit de prier dans la mosquée de son quartier. فَإِنَّ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفْ كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه. Car celui qui prie avec l'imam complètement, l'Isha, il fait tout le tarawih avec l'imam jusqu'à que l'imam il est terminé, il lui est écrit la récompense de toute la nuit complète en prière. Même si lui, juste après le tarawih, il est rentré chez lui, il a dormi jusqu'au fajr. Même s'il a dormi, il lui est écrit la récompense de toute la nuit complète. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات. Il n'y a pas de mal que des femmes assistent aux prières de التراويح si elles sont à l'abri de troubles, de fitna, d'un quelconque mal, et qu'elles ne soient pas aussi la cause de troubles ou de mal, et qu'elles sont bien vêties convenablement comme la religion le demande, et qu'elles ne sont pas parfumées. Parmi, ici se termine la parole de Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Le Cheikh Badr ibn Muhammad al-Badr al-Anzi, parmi les mashayikh de Riyad, hafidhahu Allah ta'ala, il dit ba'du akhta' al-a'imma fi du'a al-qunut. Parmi les erreurs de certains imams dans la du'a de al-qunut, les invocations de al-qunut. Al-qunut est en résumé de deux sortes. Il y a le qunut qu'on fait habituellement et le qunut qu'on appelle qunut al-nazila. Qunut al-nazila, c'est lorsque une catastrophe, un grand mal touche la communauté. Et en général, l'autorité dans un pays musulman, elle demande aux imams de faire le qunut. Ça, c'est ce qu'on appelle qunut al-nazila. C'est de temps à autre que ça peut arriver. Et à l'époque du prophète, le prophète, il lui est arrivé de le faire. Le qunut al-nazila, il se fait dans les 5 prières obligatoires. Dans les prières obligatoires. À la dernière raka'a. Dans les prières obligatoires. Non. Je sais plus si c'est ce que c'est les prières à voix haute ou les prières à voix basse et rentrent dedans. Allahu a'lam. Moi, l'essentiel, c'est dans des prières obligatoires. Le qunut habituel qu'on fait, c'est pendant la raka'a de al-witr. Dans la raka'a de al-witr. Et ça, c'est durant toute l'année. Ce n'est pas seulement pour Ramadan, c'est durant toute l'année. Chez les Malikites, souvent dans les livres de Fiqh Maliki, peut-être aussi d'autres madhahib, ils voient du'a al-qunut fil-fajr, la prière obligatoire de l'fajr. Mais les hadiths à ce sujet sont da'if. C'est pour ça que les ulama de la sunna, ils disent que ça, ce n'est pas bon. Mais ce qui est authentique, c'est pour l'witr. À la dernière, à la raka'a de l'witr. Avant le recours ou après le recours. Mais après le recours, lorsqu'on le fait en commun. Et lorsqu'on est seul, on fait la dua au singulier. Et lorsque l'imam il a les prières derrière lui, il le fait au pluriel. Donc la personne qui prie le witr tout seul peut faire dua al-qunut. Allahumma hdini fi man hadayt wa afi fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt. Le dua. Et si c'est l'imam fait tarawih, fait le witr, il dira Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt au pluriel. Certains ulama voient que on peut le faire tout le temps. D'autres disent de temps à autre. D'autres disent que pour Ramadan, c'est la deuxième partie, la deuxième quinzaine de Ramadan. Mais il n'y a pas de mal là-dedans. Le qunut, il existe bien et l'imam peut le faire, Inch'Allah. Mais le problème, c'est que des imams ont outrepassé les limites et sont tombés dans des erreurs dans le du'a du qunut. Donc le cheikh dit, premièrement, italat du'a al-qunut. Italat al-fahishat tashqu ala al-musallin. De rester trop longtemps dans le du'a al-qunut. Certains 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Jusqu'à que des gens, ils attendent que ce moment-là. C'est comme si toutes les prières, ce n'est pas le plus important. La récitation du Coran, ce n'est pas le plus important. Ils attendent le moment des du'a. Des gens, la récitation du Coran ne leur fait rien, aucun effet. Mais dès que c'est les du'a, là ça y est, ça les fait trembler, ils se mettent à pleurer. Vous avez vu un mal, qu'est-ce qu'il a engendré comme mal, subhanallah. Et tout ceci est une erreur, ça n'existe pas. Ni à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'époque des compagnons, radiallahu ta'ala avant. Alors des imams qui ne font même pas la du'a, qui est connue dans la sunna, ou alors ils le font, mais ils rajoutent des du'as. Et ils restent très longtemps dedans, jusqu'à prendre trop de temps. Et ceci est contraire à la sunna. Telhin al-du'a wa tartiluhu kama yurattil al-Qur'an al-Karim. De prendre un ton dans la récitation des du'as de Qunut, comme il fait pour le Qur'an. Et il le psalmodie, comme on psalmodie le Qur'an. En appliquant les règles de tajwid, subhanallah. Sa façon de réciter, c'est la façon qu'il va prendre pour faire du'a al-qunut. Tout ceci est contraire à la sunna. La sunna, tu fais des du'a. Tu n'es pas là pour chanter ou quoi que ce soit. Tu fais des du'a. Tu invoques Allah normalement. Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barikana fi ma atayt. Tu fais des du'a normal. Subhanallah. Jusqu'à ce que les gens ne font même plus la distinction entre les versets coraniques et les du'as. Al-i'tida'u fi du'a wa isti'mal 'ibarat manhiyun 'anha. La transgression dans les invocations, outrepasser les limites et d'employer des termes qu'on n'a pas le droit d'entamer dans les doigts, de rentrer dans des détails qu'ils n'aient pas demandé. Et il y a l'un des salafs, je crois que c'est le fils d'un compagnon, il a fait une doua et son père il l'a entendu. Il disait dans son doua, « Oh Allah, donne-moi, accorde-moi la demeure qui est à la droite, à l'entrée du paradis, à tel endroit. » Il commence à rentrer dans les détails. Et son père l'a repris là-dessus. Et il lui a ramené le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi viendront des gens qui commettront la transgression dans les doigts. C'est irrespectueux. Dis plutôt, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, épargne-moi du feu de l'enfer, accorde-moi le firdaus, des doigts général, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ces détails-là, comme de cette manière-là, et ça on le retrouve chez les gens aujourd'hui. Ils rentrent dans des détails, dans des choses. Subhanallah, ma anzalallahu biha min sultan. Alors que les meilleurs doigts, ce sont les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les doigts les plus bénéfiques. Ce sont les doigts comportant le plus de bénédictions. Ce sont les doigts les plus complets, les plus parfaits. Et on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur dedans. C'est le prophète qui nous les a enseignés. C'est le prophète qui les a employés. Alayhi salatu wa salam. Et de crier, ça aussi, manque de respect. Ça hurle, ça crie. Et les gens derrière, pareil. Amin, on n'a pas à l'entendre. Tu dis Amin à voix basse. Il n'y a que toi qui t'entends. Il n'y a pas besoin d'entendre. Non, tout le monde crie. Allah al-Musta'an. Mas'hu al-wajh bil yadayn ba'd al-qida' al-du'a. Après la fin des du'a, d'essuyer son visage avec les mains. Tous les hadiths rapportés à ce sujet sont da'if, même très faibles. Donc, ils n'ont pas le poids pour pouvoir être mis en pratique. Donc, le ulama de la sunna nous enseigne là-dessus que ce n'est pas une sunna de s'essuyer le visage. Il est recommandé de lever les mains pendant le du'a. On lève les mains à hauteur des épaules et du visage. Une fois que c'est terminé, on rabaisse nos mains. Et on va vers le sujoud. Voilà quelques leçons que je voulais partager avec vous. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.